De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser aux véhicules électriques. Ils vont peu à peu remplacer les véhicules à essence, mais à quel point l'environnement y gagnera? C'est ce qu'on va voir avec Camille Chabas. Camille est étudiante au doctorat au CIREG, le centre de recherche spécialisé dans l'analyse de cycle de vie des produits. Camille est donc spécialisée dans l'analyse de cycle de vie des produits. Et c'est donc avec l'analyse de cycle de vie des produits qu'elle va nous dire les avantages ou non de la voiture électrique. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Alors, la voiture électrique est présentée hein, souvent comme une alternative écologique à la voiture à essence, la voiture thermique. Alors, c'est peut-être vrai si on regarde l'utilisation de la voiture, au moment où on roule avec la voiture, si on roule avec essence ou avec l'électricité, mais peut-être pas si on regarde, mais faut regarder aussi la construction. Et donc, pour ça, d'où l'intérêt de l'analyse de cycle de vie. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, voiture, analyse de sujet, de l'analyse de cycle de vie, Camille, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est que l'analyse de cycle de vie? L'analyse de cycle de vie, c'est une méthode d'évaluation des impacts environnementaux, donc des impacts de nos activités humaines sur l'environnement. On va regarder la totalité du cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire on va partir de l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication de ce produit, regarder tous les processus industriels qui ont lieu tout au long de ce processus de fabrication, puis l'utilisation du produit jusqu'à son élimination à sa fin de vie, donc son enfouissement ou son incinération, par exemple. Donc on va regarder la totalité du cycle de l'existence, du produit en question. Avec tous les matériaux dont on a besoin pour fabriquer, pour alimenter la voiture et tout ce qui sort comme déchets à la fabrication et à l'utilisation de la voiture. Donc, comment ça Absolument. s'applique à la voiture? Alors, quand on fait l'analyse de cycle de vie de la voiture, on va s'intéresser à l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication du véhicule en lui-même, du moteur, des pièces, des roues, la carrosserie, la batterie, quand c'est des voitures électriques. Ensuite, on va s'intéresser à la phase d'utilisation du véhicule, le nombre de kilomètres parcourus, le carburant consommé. Donc, on va prendre en compte les paramètres de puissance de la voiture, par exemple. En fonction de la puissance du véhicule, l'étude va varier forcément un peu, donc le carburant consommé ou l'électricité consommée. On va aller jusqu'à la fin de vie du véhicule et au, par exemple, recyclage de certaines parties métalliques, le recyclage ou pas des batteries, l'enfouissement d'une partie du véhicule et on va regarder l'ensemble du cycle de vie de la voiture. D'accord. Et pour les voitures électriques, donc bon, pour les voitures, je comprends, on intègre dans l'analyse toutes les matériaux qui sont nécessaires à la fabrication de la voiture. Dans le cas d'une voiture électrique, souvent, il nous faut aussi une borne de recharge à la maison. Est-ce que ça va jusqu'à ces détails-là d'inclure dans l'analyse de cycle de vie les matériaux utilisés pour la borne de recharge qui permet d'alimenter la voiture? Alors, on pourrait faire ça, absolument. Ça, c'est un peu la décision de l'analyste qui va produire l'étude de décider ou pas s'il inclut les bornes de recharge. Par honnêteté intellectuelle, évidemment, si on incluait les bornes de recharge, on inclurait aussi une portion de station-service essence pour pouvoir faire des comparaisons équitables, en fait, entre la recharge d'un véhicule électrique et le plein d'un véhicule thermique. Mais les deux sont possibles. Il n'y a pas d'obligation en termes de normes de réalisation de l'étude. Mais quand on lit les études, les analystes vont renseigner tous les points qu'ils ont pris en compte et donc ce sera mentionné. On saura ou pas si les analystes ont pris en compte la borne de recharge ou s'ils ont décidé de l'exclure en disant que ça n'entrait pas dans le cadre de l'étude. Alors, on voit à quel point, justement, c'est un travail de fourmi hein, de faire une analyse de cycle de vie. Et là, la question que je me pose, c'est tellement un travail de fourmi. Est-ce que les constructeurs automobiles eux-mêmes ont pris la peine, ont pris le temps, ont investi pour faire des analyses de cycle de vie de leurs véhicules, ou est-ce que d'autres organismes s'en sont chargés? Alors, à ma connaissance, aucun fabricant automobile n'a jamais produit d'analyse de cycle de vie publiée. Ils en ont peut-être fait en interne pour leur usage propre, auquel cas elles ne sont pas rendues publiques. Les seules analyses de cycle de vie publiées que l'on a aujourd'hui ont été soit faites par le CIREG. Le CIREG a publié une analyse de cycle de vie pour comparer véhicules électriques et véhicules à essence. Cette analyse de cycle de vie, à l'époque, elle a été commanditée par Hydro-Québec. Les autres analyses qui ont été faites et que je connais ont été faites par l'ICCT, qui est un organisme international qui va étudier le transport dans le monde, qui a publié deux études, une sur l'Europe, une centrée sur l'Europe et une centrée sur les États-Unis. Et ils ont fait aussi quelques analyses comparatives en ACV avec des véhicules qui rouleraient en Chine ou en Inde. Donc elle est très intéressante, celle-là. Parce qu'elle prend en compte plusieurs mix énergétiques et elle permet de comparer les impacts en fonction du pays dans lequel on se trouve. Ah ben c'est vraiment intéressant ça. Ben justement, donc rentrons un petit peu dans le résultat de ces analyses de cycle de vie. Si on s'intéresse au GES, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que c'est souvent ce qu'on se dit, hein, tu parles du mix énergétique, si c'est alimenté avec de l'électricité chinoise ou québécoise, on sent que ça ne va pas être tout à fait le même résultat. Donc qu'est-ce que ça nous dit ces analyses? Absolument. Le mix énergétique du pays dans lequel la voiture est fabriquée va faire varier énormément les analyses. Ceci dit, on peut tirer quelques généralités quand même. La première qui se dégage des études, c'est qu'une voiture électrique impacte plus à la fabrication qu'une voiture thermique. C'est dû évidemment à la fabrication de la batterie, hein, on s'en doutait un peu. Ceci dit, cet impact initial de fabrication, il est complètement compensé par le fait qu'une voiture électrique émet à l'utilisation assez peu de GES pendant vraiment donc le moment où elle roule. Si on va jusqu'à regarder les mix énergétiques, c'est-à-dire d'où vient cette fameuse électricité que ma voiture consomme, les résultats vont varier beaucoup. Ceci dit, ils vont toujours être moins importants qu'une voiture thermique qui roule, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Sur son cycle de vie complet, à puissance équivalente et poids équivalent, parce que ce sont des facteurs qui vont jouer et qui vont faire varier les résultats aussi, une voiture électrique émet en moyenne sur 200 000 km parcourus, si on tient compte de la fabrication, de l'utilisation et de la fin de vie, donc une voiture électrique émet en moyenne entre 65 et 70% moins qu'une voiture thermique au Québec. Donc, dans un mix énergétique qui est plutôt très propre. Si on regarde le même genre d'études faites en Chine, une voiture électrique va impacter sur la totalité de son cycle de vie de 35 à 45% de moins, même avec une électricité qui est partiellement très carbonée. Si on regarde en Inde, où là on a des électricités qui sont quasiment totalement carbonées, on est quand même à 19%, 34% de moins d'impact. Ce qui fait varier ces pourcentages-là, c'est le poids du véhicule. Plus le poids est important, plus la voiture est lourde, plus l'écart se resserre. Une voiture électrique très lourde impacte beaucoup plus qu'une voiture électrique très légère. Pourquoi est-ce qu'une voiture électrique continue d'impacter moins, même avec une électricité très carbonée? Tout simplement parce qu'en termes d'efficacité, on est beaucoup plus efficace avec un kilowattheure électrique qu'en brûlant du carburant. On est capable de dégager plus de puissance. Donc, même en étant dans des électricités carbonées, les voitures électriques ont tendance à moins polluer sur la totalité de leur cycle de vie. Mais c'est intéressant ce que tu disais parce que l'écart finalement entre l'avantage de la voiture électrique sur la voiture à essence se resserre avec le poids de la voiture. Donc Absolument. j'imagine par exemple, je prends une petite voiture, une petite Honda Civic ou un VUS, on va pas avoir un gros VUS. On va pas avoir le même gain environnemental à électrifier, à les électrifier. Ça va être plus intéressant sur une petite que sur une grosse, de ce que je comprends. Absolument, tout à fait. Aujourd'hui, un des problèmes que l'on a avec la fabrication de véhicules électriques, c'est qu'on a tendance à fabriquer globalement, thermique et électrique confondus, des véhicules de plus en plus gros et lourds. Il faut savoir que ces 30 dernières années, le poids des véhicules a augmenté de 30% environ. Donc, on fait des véhicules de plus en plus lourds. On perd l'intérêt d'électrifier les véhicules en augmentant le poids du véhicule. Aujourd'hui, les plus gros véhicules électriques, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais les plus gros véhicules électriques pèsent un peu plus de 4 tonnes, ce qui est énorme, Non. avec une batterie qui, elle, à l'intérieur du véhicule, va peser 1 tonne 6. C'est évident que pour déplacer ce véhicule-là, le montant de kilowattheures dont j'ai besoin, même si ce sont des kilowattheures électriques, c'est énorme. Alors, je n'ai pas d'études spécifiquement faites sur ces véhicules-là. Mais on est tout à fait capable d'imaginer, hein, la conséquence de l'augmentation du poids de ces véhicules en termes d'impact. Donc, Ouais. l'intérêt du véhicule électrique réside dans le petit véhicule électrique Dans qu'on a. le petit véhicule. Ouais, c'est quand même des chiffres assez importants là, quand tu dis plus d'une tonne pour la batterie, tout ça pour déplacer une personne de 80 kilos. C'est ça. Disons, quand on met les deux chiffres en comparaison, ça fait un petit peu drôle quand même. On demande si c'est vraiment efficace, mais ça m'amène à un autre point parce que justement, cette batterie, c'est quand même beaucoup de métaux et même en dehors de la batterie, de toute façon, la voiture. C'est même si la carcasse de la voiture s'est amincie, il y a quand même énormément de métaux dans la voiture parce qu'il y a un ordinateur de bord, il y a des filages électriques qui sont du cuivre, etc. Donc, j'en viens à d'autres points que je voulais aborder avec toi, Camille, c'est les autres indicateurs environnementaux que permettent de suivre, d'évaluer la CV. Là, on parle des GES, mais tu nous avais bien parlé dans ta dernière chronique qu'une ACV, c'est pas seulement les GES, il y a d'autres indicateurs environnementaux. Et là, j'imagine que le poids des métaux va affecter ces autres indicateurs environnementaux. Ou peut-être Absolument. d'autres Donc, d'ailleurs, donc je ne sais pas. oui, tout à fait. Donc, quand on fait une analyse de cycle de vie d'un véhicule, on va se concentrer sur les indicateurs les plus significatifs, puisque c'est ceux-là qu'on veut essayer d'améliorer. Les indicateurs significatifs dans l'analyse d'un véhicule, ça va être le changement climatique, donc les fameux GES, les deux autres groupe d'indicateurs, parce que ce sont des groupes d'indicateurs, ça va être la qualité de l'air, qui est un des indicateurs extrêmement importants, hein, dans le cadre d'une étude de véhicule. Ce sont des groupes d'indicateurs qui vont affecter la santé humaine. Et ensuite, on va avoir des groupes d'indicateurs qui vont regarder l'extraction des ressources, puisque ça va être un problème, tant en termes d'impact environnemental de l'extraction elle-même, qu'en termes d'impact social. L'extraction des ressources, la consommation de ressources naturelles pour produire les choses dont j'ai besoin dans ma société, même si ce ne sont pas à proprement parler des impacts environnementaux, c'est quelque chose qu'on va surveiller de très près. Il est évident que quand on est sur des problématiques d'extraction de métaux aussi importantes, on va avoir des conséquences sociales et des conséquences géopolitiques très fortes. Donc tout ça pose des problèmes. Même si nous, en ACV, ce sont des catégories d'impact qui sont plus compliquées à analyser, c'est des choses où c'est plus difficile d'aller voir ce qui se passe, on est quand même capable de dire qu'en termes de consommation, ça pose certains problèmes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de terres rares à l'intérieur d'une voiture électrique. Alors, c'est une dénomination que moi, j'aime pas beaucoup. Elles sont pas tant rares que très dispersées, ces ressources-là. Et donc, pour extraire 500 grammes ou 1 kilo de ces métaux qu'on va utiliser pour fabriquer les batteries ensuite, il faut parfois extraire 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes de terre pour pouvoir récupérer une très petite quantité de métal à la fin. Donc, c'est vrai que ça pose tout un ensemble de problèmes qu'on va essayer d'examiner. Sur la catégorie des impacts liés à la qualité de l'air, là, on est capable d'en dire un peu plus et de comparer vraiment les bénéfices de l'électrique par rapport à la voiture thermique. Donc, une voiture électrique n'a pas de pot d'échappement, bien évidemment. Donc, en termes d'émissions de particules fines ou d'oxyde d'azote, par exemple, hein, le fameux NOx, n'a aucune émission. Ouais, ça c'est Donc, un tout ça, avantage. c'est un pan. C'est ça. Ça, c'est un gros avantage. C'est un pan d'émissions que l'on peut enlever. Le deuxième point de production de particules d'un véhicule, toute énergie confondue, ça va être les freins, les plaquettes de frein et les pneumatiques. Faut savoir qu'en termes de pneumatiques, la voiture électrique émet un peu plus de particules qu'une voiture thermique. Oui. Pourquoi? Parce que la puissance équivalente, elles sont globalement un petit peu plus lourdes. Les batteries pèsent très lourd, donc elles sont un peu plus lourdes. Donc les pneumatiques vont s'user un peu plus vite et ils vont émettre un peu plus de particules. Par contre, en termes de freinage, les voitures électriques, parce qu'elles sont équipées de systèmes de récupération d'énergie, ce sont des voitures qui utilisent moins leur système de freinage classique qu'une voiture thermique. Donc là, elles émettent un peu moins. Donc ces émissions liées aux pneumatiques et au système de freinage, elles sont assez équivalentes entre une voiture électrique et une voiture thermique. Mais comme une voiture électrique à l'utilisation n'émet pas de gaz d'échappement, alors le bilan est totalement en faveur de la voiture électrique pour ce qui est de la Ouais. qualité de l'air. Ça, c'est quand même un point intéressant, surtout en milieu urbain, quand même. Ouais. Puis, Absolument. Je ne sais pas comment c'est comptabilisé, si c'est pris en compte par les analyses de cycle de vie, mais il y a une autre nuisance aussi des voitures thermiques, peut-être par rapport aux voitures électriques, c'est le bruit. Une voiture électrique, ça fait quand même moins de bruit. Bon, il y a le bruit des pneus qui changent pas, mais il y a plus de moteur, donc ça fait quand même moins de bruit. Ça, c'est aussi un avantage de la voiture électrique sur la voiture thermique en milieu urbain. Ça, j'imagine que c'est pas vraiment pris en compte par l'analyse de cycle de vie, c'est pas. Alors on a des indicateurs pour quantifier les nuisances dues au bruit. Ah ouais? Il s'avère que dans le cadre des ACV sur les véhicules, à ma connaissance, ce n'est pas des catégories d'impact qui ont été prises en compte. Mais on pourrait, si souvent quand on fait des ACV, les commanditaires vont indiquer à quel point ils s'intéressent particulièrement. C'est vrai que nous, on va avoir tendance à respecter ces souhaits-là. C'est-à-dire, comme ce sont des gens qui viennent en disant, je voudrais savoir, dans une voiture, qu'est-ce qui impacte le moins? Hydro-Québec n'était pas intéressé, par exemple, par le bruit produit par la voiture. Donc, ce sont des catégories d'impact qui vont être écartées. Ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Une ACV est toujours prédéterminée par la question initiale. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a peut-être un petit peu de biais parce que si le commanditaire de la commande voit qu'il y a certains indicateurs environnementaux qui ne l'avantagent pas, il va peut-être pas demander une ACV portant en incluant ces indicateurs-là, peut-être. Effectivement, c'est une possibilité. Après, nous, on a un rôle à jouer là-dedans aussi, hein. On a un rôle de conseil et d'encadrement à jouer là-dedans. Il faut savoir que c'est une des limites de la CV, c'est-à-dire que une analyse de cycle de vie permet d'identifier des points d'impact sur des chaînes de production. Quand le CIREG produit ses propres études, il y a très peu de conflits d'intérêts là-dedans. On va aller regarder tous les endroits où les impacts ont lieu. Quand c'est un commanditaire qui demande quelque chose, effectivement, on peut se retrouver dans une situation où il pointe vers des catégories d'impact qui ne sont pas forcément les plus intéressantes. Ça peut arriver. Il faut savoir qu'une ACV, elle n'est pas prescriptrice. C'est-à-dire que nous, dans nos études, on va identifier des points d'impact, mais on ne donne pas de conseils par rapport à l'amélioration de ces points-là. C'est à la personne qui reçoit l'étude d'en tirer ses conclusions et d'en prendre les conclusions qui s'imposent. Nous, on ne prescrit pas de solution. Non, non. Non, mais quand on fait la CV, justement, ça peut nous permettre de voir, de relever les points chauds, là, les points où les catégories d'impact sont particulièrement. Qui monte et à quel stade du cycle de vie aussi ces impacts sont importants. Est-ce que ça donne des pistes quand même pour les concepteurs dans leur procédé de fabrication ou alors pour les consommateurs pour l'usage? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs types d'analyse de cycle de vie. Quand on compare un véhicule électrique à une voiture thermique, c'est une catégorie d'analyse de cycle de vie où là, on fait des comparaisons de produits déjà existants. Donc, on va faire des mesures sur site par rapport au véhicule et faire l'étude dans ce cadre-là de ces véhicules-là. Il faut savoir qu'on peut faire des ACV en éco-conception, c'est-à-dire qu'on va travailler à partir de documents écrits, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je veux créer? De quelle façon est-ce que je veux le créer? Donc, on va faire des analyses sur plan, d'une certaine façon. Puis, on va identifier des points chauds d'impact potentiels sur la conception future de certains produits. Et là, on va pouvoir intervenir en disant, bon, ben là, il va y avoir un problème à tel endroit. Puis, comme on est dans un cadre de conception, on va pouvoir prendre des mesures avant même d'avoir démarré les processus industriels et prendre les conclusions pour améliorer dès le départ la situation générale. La CV est un outil extrêmement intéressant en éco-conception. Ah oui. Quant à la phase de conseil aux consommateurs, on Oui. travaille dessus actuellement. On est en ce moment en train de travailler sur des séries d'outils accessibles au grand public, parce qu'une ACV, c'est quand même assez compliqué C'est à vrai. utiliser et à lire. Donc, on essaye en ce moment même au CIREG, on travaille sur une base de données, des produits et services en contexte québécois, fabriquer des outils pour les consommateurs pour essayer d'aider leurs décisions au quotidien. Donc, par exemple, avec une voiture, comment utiliser un véhicule électrique à son meilleur pour réduire encore plus l'impact environnemental? Ce serait quoi, par exemple? Par exemple, C'est évident que l'utilisation, la façon dont on utilise son véhicule va être extrêmement important, et on doit le prendre en compte au moment où on choisit le véhicule qu'on va acheter. On a un peu tendance à choisir son véhicule et à le faire un peu pour tout dans la vie, mais on va choisir son véhicule un peu en ne considérant que l'utilisation du pire ou de l'extrême. C'est-à-dire, on va considérer la fois où on va vouloir partir en vacances, en disant, je vais parcourir tant de kilomètres, je veux que mon véhicule soit extrêmement confortable. Et on va, par exemple, dire, oh, je veux qu'il ait une autonomie de 500 kilomètres parce que je veux aller à tel endroit. Alors que ça va représenter entre 5 et 2% de l'utilisation du dit véhicule. Mais c'est le seul critère ou c'est le critère majeur qu'on va prendre en compte. C'est évident que dans 90% de l'utilisation de nos véhicules, on parcourt entre 10 et 200 km par jour dans nos activités quotidiennes. On n'a pas besoin d'autonomie aussi importante 90% du temps. On fait des petits trajets sur des petites distances. On pourrait avoir un petit véhicule et ça ne poserait pas de problème. La voiture électrique, elle est plutôt très avantageuse par rapport à une voiture thermique. Ceci dit, s'imaginer de façon très globale que si on remplaçait tous les véhicules thermiques par que uniquement des véhicules électriques, on aurait miraculeusement une amélioration de la situation. C'est faux. La solution, elle réside dans le fait d'examiner nos usages, puis d'adapter en fait nos utilisations de véhicules en fonction de ces usages-là. Si je prends mon cas particulier, j'habite à Montréal, je n'ai pas de véhicule parce que je n'ai pas besoin de véhicule. Je prends le métro, le bus, le train. Quand j'ai besoin d'un véhicule, je vais me tourner vers des services de véhicules partagés et louer pour la journée ou l'après-midi un véhicule électrique à Communauto, qui est un des services de véhicules partagés de la ville de Montréal. Ça suffit à mon usage. C'est évident que c'est spécifique à moi. Si je prends le cas de quelqu'un qui habiterait à la campagne et qui aurait besoin de parcourir des trajets un peu plus longs avec un système de transport public plus restreint, bon ben là, on est sur un autre type d'usage et on s'adapte. Mais c'est dans le fait de panacher nos usages, en fait, et nos véhicules que la solution. Non, mais une solution, ça pourrait peut-être être d'avoir un véhicule électrique adapté à nos déplacements quotidiens, donc entre, disons, une cinquantaine de kilomètres quotidiens. Et pour les 3 fois dans l'année où on a besoin d'un plus gros véhicule, ben, on loue peut-être. Ça pourrait être une autre solution aussi. Absolument, tout à fait, comme une location, par exemple. Voilà, exactement. En tout cas, voilà qui nous fait réfléchir et qui nous informe un peu plus sur le meilleur usage ou le meilleur ce que l'on peut tirer de mieux d'un véhicule électrique. Et on pourrait aussi peut-être élargir la réflexion à d'autres problèmes environnementaux que posent les voitures, parce que la voiture, c'est aussi le moteur de l'étalement urbain, n'est-ce pas? Et donc Absolument. l'empiétement sur les espaces naturels et agricoles. Et là, peu importe la forme d'énergie qui fait tourner le moteur, justement. Ce serait un autre sujet à aborder peut-être. Alors, merci beaucoup, Camille, de ces éclaircissements sur les usages, sur le véhicule électrique. Merci beaucoup. Merci Valérie. Alors, je rappelle que Camille Chabas est étudiante au doctorat au CIREG, centre de recherche spécialisé dans l'analyse de cycle de vie des produits. Ainsi se termine Futur Simple aujourd'hui. Je vous reviens la semaine prochaine, probablement avec une histoire de moule. Mais pour le moment, je vous laisse en compagnie de Calypso le Moine pour En Aparté et toujours sur CKRL 89.1. Hasard ou coïncidence, pisant sous Trafalgar, Mozart ou l'innocence, ignorance ou brouillard,